une histoire particulière. Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes. Et même si l'histoire d'un couple qui se sépare peut vous paraître banale, celle que vont vous raconter aujourd'hui Michel Pomared et Anna Schmuck dans ce premier épisode a non seulement défrayé la chronique des faits divers, mais également donné lieu à deux livres et un long métrage. Au départ, il y a donc un homme et une femme que tout rassemble. Puis arrivent deux enfants. Et puis ce que tout rassemble finit par séparer. Une séparation tantôt sereine, tantôt conflictuelle. Hélas, au milieu de tout cela, la question des enfants trône. Au nom des enfants. Au nom de mes fils, c'est le titre de l'histoire de ce week-end. Une histoire aujourd'hui vue par le prisme du père, Xavier Fortin. Xavier Fortin, où est-ce qu'on est ? On est près du col de Mouzoul, donc au cœur des Cévennes. Bon, c'est un paysage typiquement cévenol. Donc voilà, on est un peu moins de 700 mètres. Et puis donc, dans le virage, qu'est-ce qu'il y a marqué là sur cette... Ferme nomade. Au bout de la piste, il y a la ferme. Il y a donc à la fois nos animaux, les jardins et le matériel. Et donc c'est un peu un campement aussi, parce que bon, il y a les caravanes, tout le matériel d'animation aussi, le matériel pédagogique, enfin voilà, c'est notre base. Xavier Fortin, au nom de mes fils. Michel Pomared, Anna Schmuck. Xavier Fortin et cet homme arrêtés fin janvier dans l'Ariège après 11 années de fuite avec ses deux fils enlevés à la garde de leur mère en 97. Son procès s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Draguignan. Xavier Fortin a aujourd'hui 52 ans, il était à l'audience. La mère, Catherine Martin, à l'origine des poursuites, avait décidé de ne pas venir, elle, et aussi de ne pas se constituer partie civile par souci d'apaisement, selon ses fils. L'apaisement est synonyme à l'époque pour Xavier Fortin d'une condamnation à 22 mois de prison avec sursis et à 2 mois de prison ferme. Une condamnation qui couvre sa détention provisoire. Il ressort donc libre de son procès. 10 ans plus tard, nous le retrouvons dans un petit coin de nature, au milieu des caravanes et des bêtes. Là, Xavier Fortin, là, sur le panneau à gauche qu'on vient de passer, il y a marqué quoi ? Attention mouton, attention troupeau. Dans la mesure où on sort, comme traditionnellement, on sort donc le petit troupeau que l'on a de chèvres et de brebis, on le sort de la montagne. Et donc, quelquefois, il y a des chevreaux, des agneaux qui s'égarent. Enfin voilà, c'est pour que les gens ralentissent un peu et fassent un peu attention. Mais il y en a pas mal dans la région. On est 10 ans après le procès. Oui. Et vous avez retrouvé, on va dire, le terrain d'origine avant toute cette aventure. En fait, on est dans une association de 1901. Et donc c'est une ferme pédagogique itinérante. C'est pas du tout une ferme pédagogique classique, hein, c'est pas un parc animalier. C'est-à-dire qu'on se déplace, un peu comme un petit cirque en fait. Hein. Donc on se déplace là où on nous demande. Hein. Donc on fait absolument tout, quoi, de la crèche à la maison de retraite. Donc en passant par les centres d'handicapés, par les écoles, pas mal d'écoles, les fêtes de village aussi, les fêtes à thème aussi, médiévales, western, enfin. Donc suivant un petit peu les demandes. Alors, essentiellement dans la région. Alors on entend les chiens, combien il y a de chiens ici ? Alors les chiens, on en a quelques-uns parce que les animaux, on les a jusqu'à la fin de leur vie. Donc on a des grands-pères et grands-mères qui nous suivent depuis l'Ariège. Et donc on a la descendance aussi. Donc là, on en a 5. Alors c'est par rapport à ça. Hein, on est en pleine nature ici. C'est très sauvage. Donc du coup, il y a beaucoup de sangliers. Il y a des renards, il y a des martres, il y a des fouines. Et effectivement... au niveau des animaux, il faut des chiens. Alors là, on a le petit troupeau de chèvres et de brebis. Alors c'est un petit troupeau tout à fait traditionnel. Hein. On a une dizaine d'animaux. Et donc voilà. Alors bon, bah là, ça nous permet d'avoir donc du lait, de faire des fromages de chèvres, avoir une certaine autosuffisance, de faire des ateliers. Donc aussi, donc on fait des ateliers pour montrer aux enfants la traite des chèvres, la fabrication du fromage. Et donc voilà, on le gère de façon très traditionnelle. Hein. On les sort donc en parcours dans la montagne. Où en êtes-vous dans votre vie aujourd'hui ? Je sais où je suis. Je sais où j'ai les pieds, mon idéal est toujours le même, mes convictions, je continue ma vie tout simplement. Hein. Après voilà, par rapport à mes fils, bon, c'était un petit peu spectaculaire, enfin bon, surtout avec toute la médiatisation, enfin bon, je n'ai fait que mon devoir. Je pouvais moralement, je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Et en fait, bon, on avait un atout quand même majeur, c'est qu'en fait on a pu tenir pendant 12 ans. C'est pour ça, bon, la médiatisation, tout ça s'est emballé, parce que 12 ans, c'est assez exceptionnel. Et surtout, toutes les recherches, tout ce qui avait été fait et tout. Et surtout, le résultat, bah, c'est que mes fils, en fait, n'étaient pas du tout des petits mouvelis, là, qui sortaient du fond du bois, là, tout échevelé, illettré et compagnie. C'était pas du tout ça. Donc, c'est vous qui avez fait l'école. Tout à fait, oui. Vous leur avez appris à faire beaucoup de choses avec leurs mains aussi. Oui, tout à fait. Bah oui, mais on a continué notre vie. C'est pour ça, 11 ans sous la liberté, c'était ça. Parce qu'en fait, bah, on était relativement libre. Et là, donc, ça fait 10 ans. On est 10 ans après le procès, 10 ans après la fin de l'aventure, on pourrait dire. Vos fils, ils travaillent aussi avec vous, ils sont avec vous encore en lien, ils ont 10 ans de plus, donc 28 et 27 ans maintenant. Mmh. Comment ça se passe, ce lien père-fils aujourd'hui ? Oh bah, ils sont plus qu'adultes. Donc ils sont plus qu'adultes, ils sont indépendants. Ils ont leur vie, ils ont leur compagne. Voilà. Donc, mais ils ont toujours un lien très proche avec la nature, ça, c'est certain. Et donc voilà, alors après moi ils sont indépendants, ils ont leur vie, moi je n'ai pas du tout à parler pour eux, hein. Donc voilà. Vous savez pourquoi ils veulent pas nous parler ? Bah, c'est-à-dire bon, au niveau de la médiatisation, bon, bah, c'est, ça a été très traumatisant. Bon, moi aussi j'étais un peu étonné, parce qu'il y a beaucoup de médias, il n'y a pas du tout, il y a aucune éthique. Aucune éthique, on a été manipulé parfois, de façon quelquefois assez scandaleuse, nos propos transformés, des interviews tronquées, voilà, il y a un certain traumatisme quand même, et donc une confiance très très réduite. Voilà. Tu es prêt ? Oui. Les fils de Xavier Fortin, Chayena et Okwari, lors du procès de leur père en 2009. On n'a ni fait le choix, ni pour la mère, ni pour le père, mais pour le mode de vie dans lequel on se sentait le mieux. Le problème, c'est que la justice n'entend pas des enfants de 6 et 7 ans. On sait à peu près ce qu'on veut et où on est heureux. Ça, faut que ce soit clair pour tous ceux qui peuvent penser qu'il y a eu manipulation. Tous les jours, il n'y a pas eu un seul jour de la clandestinité où on n'a pas eu le choix de retourner chez la mère. Il y avait de l'argent pour nous mettre dans le train, il y avait tout ça. C'était une porte ouverte, c'était une des possibilités, c'est nous qui avions le choix. Il est clair et net que si on a la maturité qu'on a aujourd'hui et les atouts qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est grâce à l'éducation qu'il nous a donnée. Oui, on lui doit tout. Ça a été un père pour moi exemplaire, respectable, et je pense que ça l'est pour énormément de gens. Le poisson est plus loin. Dans ce chalet de montagne, on avait, donc c'est moi qui l'ai installé, une installation solaire. C'était lumière, musique, film, vidéo, tout chaîne IFI, tout ça, je m'amusais même à faire de la musique, voilà. Et la grange, comme on aurait pu l'appeler, donc c'est un petit chalet de montagne super bien isolé, à 30 degrés dans la maison avec la neige dehors devant la baie vitrée. Essaie de lancer ! Il n'y a aucun problème, on est totalement socialisés, vous voyez bien qu'on n'a pas du tout, on n'est pas du tout des enfants des bois. Dans le courant ! Oui, dans le courant ! Ça te donnera du champ ! Il est un peu mouillé, c'est tout. Chayena, donc c'est votre fils aîné. Le deuxième fils, Okwari. On entend ces prénoms qu'on a rarement entendus, qui sont d'origine indienne. Amérindienne. Amérindienne. Alors Chayena, c'est du Sioux Lakota. Alors il y a plusieurs au sens. Hein. Alors, c'est celui qui suit la voie de l'homme rouge, celui qui suit la voie de l'homme de la nature, celui qui suit la voie du cœur. Bon voilà, c'est les langages. Alors, il y a plusieurs sens. Okwari, alors c'est l'ours en mohawk. Dire au quoi, et donc en fait ça veut dire l'ours, et c'est l'ours, c'est l'animal donc emblématique du clan de l'ours, qui est le clan des hommes médecine, les gardiens de la tradition. Il y a quelque chose de carré ici? Non. Non, hein? Parce que tout est rond, tout est fluide. C'est l'homme blanc qui a inventé le carré. Avec les villes, les voitures, les télévisions, les bureaux. Mathieu Kassovitz joue Xavier Fortin et dans la nature, dans le film de Cédric Kahn. Tout marche ensemble. Tout est rond comme un tipi. Tu vois ? Voilà. C'est ça la philosophie des Indiens. C'est en référence, si vous voulez, à la... Oui, à la façon de... Oui, la façon de vivre qu'on a choisie. Qu'on a choisi, donc que j'avais choisi avec la mère de mes fils, et puis c'est en référence à ça, et c'est par rapport aussi à un choix de vie. Mes enfants ont vécu avec moi depuis leur naissance. Leur naissance s'est faite à la maison, entre guillemets. Hein, j'ai né sous tipi, Okwari est né dans une caravane, et il n'y avait que moi et leur mère. Donc, et depuis, 24 heures sur 24, on a toujours vécu ensemble. Donc du coup, c'est quand même, ça fait des liens assez particuliers. Et en plus, on a vécu toujours au plus près de la nature. Donc avec des campements dehors, avec des animaux, proximité. Hop, deux passeports. Deux passeports. Tranquille. Kiki, un voisin de Xavier Fortin, au moment où ce dernier était retrouvé en 2009. Xavier, quand il est arrivé, bon, c'est déjà quelqu'un de très très silencieux. C'est pas quelqu'un qui a fait des vagues. Son histoire personnelle, il n'est pas obligé de le raconter à tout le monde. Mais nous, ce qu'on a pris, c'est ses valeurs de son cœur et surtout de son regard. Et puis, bon, il a deux enfants. Nous, on est quand même enthousiasme de voir quelqu'un qui se consacre à ses enfants, qui leur donne une bonne éducation, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bête du tout. Parce qu'en plus, il est diplômé, Xavier. Il est capable de faire l'école à ses enfants et lui apprendre les bonnes valeurs de la vie. Ce qu'il leur a donné, ce qui est très très important, c'est surtout la valeur du travail. Tu fais bien tes devoirs, là, les trois. Et toi, tu recopies bien tout ça. Je reviens dans une demi-heure. Alors, un mot quand même sur l'histoire, oui. Parce que tout le monde connaît Xavier Fortin. Enfin, votre nom a été médiatisé. Oui, beaucoup trop. Bon. Comment est-ce que vous pourriez la résumer en peut-être une ou deux phrases ? Bah, c'est le choix assez forcé que j'étais amené à faire pour mes fils, pour leur équilibre. Parce que donc c'était une histoire tout à fait banale, enfin qui maintenant est tout à fait banale, de séparation. Donc de séparation unilatérale hein, de la part de la mère de mes fils. Et alors le problème, c'est que mes enfants donc, ont été emmenés, emmenés dans ses bagages à 1000 km. Et pour les faire changer de vie de façon extrêmement radicale. Et ce qui s'est passé, c'est que mes enfants n'allaient pas bien du tout. Ils n'avaient pas du tout supporté ce changement radical. Donc voilà, pour eux, ça a été vraiment un choc de se retrouver sur la Côte d'Azur dans un petit appartement, avec école, etc., la nourrice le soir. Donc ça a été vraiment un choc. Et ils l'ont très mal supporté. Donc Cheyenne était devenue anorexique. Et Okwari avait du mal à dormir, enfin voilà, donc j'ai récupéré quand je les ai revus, donc pratiquement 2 ans après. Tout s'est enchaîné, et puis bon, moi j'avais plus d'autre alternative, il fallait que je fasse quelque chose, je pouvais pas continuer comme ça. Monsieur le juge, ça va faire bientôt 1 an jour pour jour que je suis séparé de mes fils, et qu'à part l'aumône de quelques jours de vacances, je suis pratiquement privé de tout contact avec eux. Tous mes droits ont été déniés au principe que je ne suis qu'un père et un marginal. Et leur mère, qui a fui le domicile conjugal, traumatise ses fils en les coupant de leur vie de toujours. Bafoue toute décision judiciaire en ma faveur, a eu chaque fois pour elle le consentement de la justice complice et aveugle, au principe qu'elle est une mère et qu'elle a choisi de retourner dans le droit chemin, celui de la norme et de la majorité. J'ai pu les avoir quelques jours, donc à Noël, hein, Noël 97. Et là, au bout de quelques jours, je les ai retrouvés dans un état pitoyable. Et au bout de quelques jours, je leur ai dit, bon voilà, il faut que je vous ramène chez votre mère. Alors, c'était une crise de nerfs, crise de larmes, c'était hors de question. Non, c'est fini, jamais plus. On reste avec toi, on reprend notre vie, terminé. Bon, alors là, j'ai sauté le pas, quoi. Extrait du film « La vie sauvage » de Cédric Kahn, inspiré de l'histoire de Xavier Fortin. Salut, que ça ! Thomas, vous êtes mes enfants ! Vous êtes mes fils, venez ! Oh, que ça, Thomas ! Charlie, venez ! Je suis votre père ! Thomas ! Ok, ça revient. Carole, attrape, ok, ça. Ok, ça. Ok, ça. Le réalisateur Cédric Kahn, en 2014. Je voulais vraiment entrer dans ce dilemme des garçons et infernal. Ils sont retournés vers leur vie qu'ils connaissaient depuis leur naissance. Et leur père leur propose de prolonger ce rêve, cette utopie. La cavale, c'est presque comme un jeu. On se cache, on est des Indiens, on est dehors la loi. Il y a presque un côté merveilleux, même quand c'est galère. Et donc c'est ça le dilemme des enfants pour moi. C'est d'un côté l'amour qu'ils ont pour cette vie-là et leur père, et le manque de leur mère, de cette famille qui est déchirée. Ce livre se veut un témoignage pour tous ceux qui, contrairement à nous, n'ont pas le droit à la parole et vivent cependant des expériences semblables. Un témoignage pour tous les enfants qui font les frais de la séparation de leurs parents, frais que la justice rend plus lourds encore en ne les écoutant pas. Un témoignage en faveur de certaines minorités dont les valeurs, le mode de vie et la vision du monde méritent non seulement d'être accueillis sans discrimination, mais se révéleraient même, pour peu qu'on daigne en prendre connaissance avec respect, être riches d'enseignements pour notre système occidental exsangue. Un témoignage en faveur de la résistance et de la désobéissance civile qui sont l'unique issue dans certains contextes et se révèlent parfois salvatrices pour la société entière par temps d'occupation et autres crises. Un témoignage enfin et surtout en faveur de la nature qui nous donne la vie et des peuples premiers qui, plus que d'autres, nous invitent à la respecter. Cette histoire, vous l'avez racontée aussi dans un livre qui s'appelle « Hors système, 11 ans sous l'étoile de la liberté », oui, vous écrite avec vos deux fils. À trois, oui, pour témoigner justement de ce qu'on a vécu. Et c'était essentiellement pour que ça puisse servir à d'autres. Votre histoire, elle a été aussi médiatisée à travers un film de Cédric Kahn en 2014, oui. « La vie sauvage ». Mathieu Kassovitz joue votre rôle. Vous en avez pensé quoi de vous retrouver héros de fiction ? Ça, c'était très bien vu. Parce qu'en fait, quand il y a eu les premières projections et tout, il y a eu plein d'amis qui nous ont dit « mais c'est incroyable, quoi. On a l'impression de te reconnaître ». Effectivement, ça correspondait bien. Après, bon voilà, il y a 12 ans de résumé en un film, c'est pas évident. Il y a eu des périodes qui ont été zappées, il y a eu des choix. Bon après, voilà, après, bon, on a pas mal discuté avec Cédric. Hein. D'ailleurs, bon, quand on a été, comme ils ont fait venir à Paris là, pour voir le film à la fin du montage, bon, bah, on a vu ça, et bon, bah, on a vu les convois. Les convois, c'était quand même misérabiliste. Il y avait un vieux J5 là, tout pourri, avec des petites caravanes de 3-4 mètres. Et alors que nous, on avait quand même des Mercedes, on avait des vieux Mercedes, mais des Mercedes quand même. On avait des caravanes de 5-6 mètres de long. Enfin, bon. Et il avait mis que. Enfin, il y avait une scène où les enfants étaient avec des gros pulls, des passe-montagnes et tout, dans la caravane, en train de grelotter. On lui a dit, mais attends, mais tu sais pas que dans une caravane, une roulotte, mais on est à 25 degrés. Avec les poêles à bois, on est à 25 degrés, c'est complètement le contraire. Il faut en ouvrir les fenêtres en plein hiver. Bon, ben voilà, il y a eu des choses comme ça. Donc tout ça, il en a tenu compte. Ceci dit, bon, ça s'est fait, parce qu'au début, on était quand même assez réticents, on a eu pas mal de rencontres avec lui, et on s'est mis d'accord qu'au niveau du scénario, il nous soumettait, et qu'on pouvait voir un petit peu avec lui, un petit peu que ce soit vraiment très près de la réalité. Du coup, pareil, bon, pour les figurants, en fait, eh ben, on lui a donné pas mal de contacts de gens qui vivaient effectivement sous Tipeee, c'était pas des gens des punks qui n'étaient pas grimés, c'était des vrais, c'était des amis à nous, enfin voilà, des gens pas mal d'alternatives, des musiciens, des gens du spectacle et tout, qui vraiment vivaient ça. C'était pas du... Donc c'est pour ça qu'il y a un côté réel. Mickaël, pourquoi t'emmènes pas les petits à l'école? Parce que leur école, c'est ici. On a tous les cahiers, on suit les cours, en fait. Ouais. Non. Et là, il est dans quelle classe? Ils sont à niveau. T'es en quelle classe, toi? T'es en CM quoi? CM2. T'es en CM quoi? L'école, c'est obligatoire, hein. C'est la loi, c'est comme ça. Non, l'éducation est obligatoire. C'est la loi. La loi, il faut la connaître. L'éducation est obligatoire. Et toi, t'es hors la loi? Non, non, ils suivent l'éducation nationale. Ah ouais. Et vous êtes de passage ou vous comptez rester longtemps? Le temps qu'il faut. Ouais. On est bien. Xavier Fortin, quel père vous pensez avoir été pour vos fils? J'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais modestement, hein, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais... J'ai essayé de faire de mon mieux. Votre père, il était comment avec vous? Bah, mon père aussi, hein, a essayé de faire le meilleur qu'il a pu. Il avait, alors bon, c'est vrai qu'au niveau de la transmission, c'est vrai qu'il a, il a vraiment, il avait une droiture, et des valeurs, qui, à mes sœurs et moi, qu'il a, il a fait tout pour nous les transmettre. Et c'est quelque chose dont je suis très reconnaissant. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la droiture, pour moi, c'est une valeur primordiale. Et aussi, donc, un certain détachement du matérialisme, quoi, de valeurs strictement matérielles, qui maintenant prennent le dessus sur beaucoup d'autres valeurs. Une des têtes de chapitre de votre livre s'intitule « Vous serez des hommes, mes fils ». Qu'est-ce que c'est être un homme pour vous, Xavier Fortin? Alors déjà c'est ça, déjà la droiture, des valeurs morales. C'est un vaste programme. Hein. déjà ça c'est déjà l'essentiel. Et ensuite, un sens critique. Avec effectivement aussi des valeurs de solidarité, d'entraide. Enfin, nous, c'est ce qu'on a vécu, hein. Notre histoire de 12 ans de clandestinité, en fait, ça a été beaucoup ça. On a bénéficié d'énormément de solidarité, ça aurait jamais pu exister sans ça. Et donc, voilà, ça va à contre-courant de l'individualisme forcené là, qu'on vit depuis quelques décennies. Voilà, moi je pense que c'est très important pour la construction d'un homme. T'es venu dans une glace, toi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez plaire aux filles, alors vous voulez ressembler à tout le monde? Vous êtes bien dans la norme. T'as une tête de beauf. Vous voulez quoi, là? Vous en avez marre de tout ça? Parce que c'est ça ce que ça veut dire, de couper tes cheveux comme ça. Tu vas rentrer dans la société de consommation? Ressembler à tous ces cons, là? À bien suivre le mouvement? Tu veux vivre la vie de tout le monde avec tes chaussures à 150 euros? Tu les as payées comment, celles-là? Avec l'argent de mes élevages. L'argent de tes élevages? C'est pas plutôt les 150 euros qui manquent dans la caisse depuis une semaine? Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Dis-lui que je les ai payés avec l'argent de mes élevages. C'est l'argent de ses élevages, il a rien volé. C'est pas l'argent de tes élevages, c'est l'argent des élevages de tout le monde. On est en communauté, ici. Vous devenez complètement égocentrique, vous êtes basé sur vous-même, là. Eh, je rembourse l'essence et le téléphone, d'accord? Mais tu rembourses pas l'électricité, tu rembourses pas la nourriture. Tu sais ce que je peux faire avec 150 euros? Est-ce que le système vous a rattrapé, Xavier Fortin? Vous avez vécu, donc, vous dites, dans la clandestinité pendant 11 ans, donc libre. Tout d'un coup, vous revenez, on pourrait dire, à la face du monde. Et là, le système médiatique vous rattrape, le système de l'édition, le système du cinéma. Enfin, toute la société a envie de faire de vous de quoi? Des exemples, des héros, des personnages. Comment vous avez vécu ce regard? Non, mais déjà, je me suis toujours insurgé contre ce terme de marginalité, là, enfin dans laquelle on a voulu nous enfermer. Mais on a pu, en étant effectivement clandestin, donc quelque part, donc on a vu une certaine liberté. Aujourd'hui, vous avez un troisième enfant, c'est une fille, vous êtes séparé de sa mère. Qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à l'éducation et peut-être aussi à l'école, justement, avec votre fille? Déjà, de toute manière, j'ai quand même tenu compte des expériences passées. Et il est évident qu'au niveau de la justice, des décisions de justice, un enfant qui est déscolarisé, même si légalement l'instruction à la maison est tout à fait légale, c'est pas du tout la norme dominante, et c'est pas du tout accepté par les tribunaux, les magistrats. Donc effectivement, si ma fille avait été déscolarisée, enfin, avec l'instruction à la maison, c'est évident que là, je n'aurais jamais pu avoir sa garde. Bon, mais alors il se trouve, justement, que bon, pour moi c'est l'essentiel, en fait elle est seule. Okori et Shaina étaient tous les deux, elle est seule, et il se trouve qu'elle vit très bien l'école, dans la mesure où c'est une petite école rurale, avec des petits effectifs, et en fait ils sont une dizaine, un peu plus d'une dizaine dans sa classe, et en fait elle s'y plaît. C'est ce qui est en fait le système d'enseignement, c'est l'éducation nationale, mais c'est ce qui est le plus proche en fait de l'éducation alternative et de l'école à la maison. Alors voilà, ceci dit, c'est vrai que cette expression rattrapée par le système. Je vis très bien, donc c'est pas vraiment des compromis, mais c'est des adaptations. J'y vis très bien dans la mesure où j'arrive à préserver l'essentiel. Et l'essentiel aussi, pour ma fille aussi, c'est notre vie ici. C'est notre vie dans la nature, avec nos animaux. C'est cette vie-là, avec nos jardins, avec les produits que l'on mange. Enfin voilà, il y a une harmonie de vie dans la nature, il y a des rapports particuliers avec la nature, il y a une certaine autonomie aussi, et qui fait que, pour moi, c'est l'essentiel, donc qui permet d'alléger le reste. Effectivement, c'est un petit peu compliqué au quotidien, dans la mesure où on se partage entre la nature, la ferme ici, et la maison, l'appartement, et l'école. Enfin voilà, c'est toute une organisation. Ça fait des voyages, on peut pas être là sur place tout le temps. Donc voilà, ça fait des allées-venues en véhicule, ça fait des... Voilà, c'est un peu... C'est particulier, mais on vit assez bien. Xavier Fortin, au nom de mes fils. Une histoire particulière, extrait du film La vie sauvage de Cédric Kahn et du livre Hors système, 11 ans sous l'étoile de la liberté de Xavier Fortin. Coordination Christine Bernard, prise de son Yvan Turc, mixage Claude Nior, réalisation Anna Schmuck, un documentaire de Michel Pomared. La suite du documentaire Au nom de mes fils, ce sera demain à 13h30. Et à 14h, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.